ce matin, j'ai la chair de poule devant les flics. On reste assis, on a la chair debout, Jean-Marie. Demande à Dest, t'es un cru d'espace, suicide-toi. Sous un bus comme la coupe d'Espagne, les yeux qui piquent. C'est le shit ou la conjonctivite. Dis pas, je suis musulman, s'il y a que le cochon que t'évites. À l'heure où je me fais le, j'appelle ça mauvais couchage. Fais un tour au rocher, tu diras pas que mon vécuchage. J'ai la gueule de bois à cause de la cuite du mardi. Au stud, je suis dans le bon team. Mais j'ai dormi dans les parties communes. Réveil difficile, la tête sur une taille de cognac hardi. Le cerveau à l'envers, je pense l'inverse de ce que je fais. Comme Jacques a dit, je me lève. J'ai pas de force, mon médecin m'arrêterait pour anémie. Faut que je démarre. Je me mets un son qui est ma fit à MX. S'il y a une embrouille, putain, j'aurais même pas de quoi mettre ma garde. Où j'arrive au taf, où je finis ma nuit sur le quai de la gare. À quoi ça sert qu'on se lève, qu'on se dise demain c'est de la balle. On est peut-être sous l'appel, mais on rêve de se faire l'appel. 5 c'est peut-être simple. On avance sans passer sous la table, mais trop de bâtards nous ont maudits, pose des taudis, couste absence. À quoi ça sert qu'on se lève, qu'on se dise demain c'est de la balle. On est peut-être sous l'appel, mais on rêve de se faire l'appel. 5 c'est peut-être simple. On avance sans passer sous la table, mais trop de bâtards nous ont maudits, toujours faut-il dans ce monde de teint. Réveil difficile, j'ai même pas le souvenir de la cuite de la veille. On tise la tête, jusqu'à finir la tête dans le cul de la vieille. Ça fume la verre et gratte la feuille. Mais non pas solidaire, tout solidaire. Pas de joli thème que t'aimes et que les cassos s'adhèrent. Pas de sauce indemne comme un avenir. Y'a plus le temps pour souffler, tu réalises ce son dans ta playlist. Laisse les yeux pour souffler, pas de gris bin. J'écrase ma weed et puis j'décris ma bonheur. C'est rare comme un ouache qui tape une grasse man. Réveil de merde après une nuit au whisky coca light. Faut que je me démerde et je merde quand je passe du coca light ma nuit. Terminus, mes ambitions diminuent. C'est décidé de façon, je me lèverai dans 10 minutes. Les huiles s'est déboulé, alors j'ai trouvé du boulot au bout du rouleau. J'ai fait le débile et pris la taille par le goulot. Mauvais réveil, et c'est logique quand tu te couches tard. Je sais pas pourquoi, chaque ma journée sera un cauchemar. À quoi ça sert qu'on se lève, qu'on se dise demain c'est de la balle. On est peut-être sous l'appel, mais on rêve de se faire l'appel. 5 c'est peut-être simple, on avance sans passer sous la table. Mais trop de bâtards nous ont maudits, pose des taudis, couste absence. À quoi ça sert qu'on se lève, qu'on se dise demain c'est de la balle. On est peut-être sous l'appel, mais on rêve de se faire l'appel. 5 c'est peut-être simple, on avance sans passer sous la table. Mais trop de bâtards nous ont maudits, toujours faut-il dans ce monde de teint. Réveil difficile qui nous laissera des séquelles. Nique sa mère, c'est avec discipline qu'on va rappeler ses textes. Crois pas qu'un pratique prend le dessus quand l'esprit s'installe. La rime intacte, ton ratatite qu'aura pas qu'un petit impact. Les idées brouillées, je me demande si un jour je pourrais vivre. Et si je me grouille d'écrire, c'est que j'ai que le hip-hop pour épis. Je vous dédie ces lignes grattées, la tête en vrac. Dans un excès de fatigue, seul un texte rap détendra. Encore des sueurs froides, où l'air est lourd. Au fond, une lueur croix, je crois qu'on prend pour un sourd. J'irai bien faire un tour, car j'ai la tête dans un four. J'aimerais que tu comprennes pourquoi je t'ai pas fait l'amour à toi. Kiffer l'amour, oui je te ferai kiffer la musique. Vibrer comme la mort douce en Amérique. Je donne des sous à la mairie et pour ça j'ai du mérite. Mais ce matin je sais pas pourquoi mes draps m'irritent. À quoi ça sert qu'on se lève, qu'on se dise demain c'est de la balle. On est peut-être sous l'appel, mais on rêve de se faire l'appel. 5 c'est peut-être simple, on avance sans passer sous la table. Mais trop de bâtards nous ont maudits, pose des taudis, couste absence. À quoi ça sert qu'on se lève, qu'on se dise demain c'est de la balle. On est peut-être sous l'appel, mais on rêve de se faire l'appel. 5 c'est peut-être simple, on avance sans passer sous la table. Mais trop de bâtards nous ont maudits, toujours faut-il dans ce monde de teint.